cette boue de sable pétrie dans le sang où baignaient les têtes de mes frères massacrés. Affiche où sont inscrits tous les crimes de ces vampires cautionnés par l'impérialisme en bloc. J'ai trempé mon index, le seul doigt qui me restait. Et sur le front des enfants de l'espoir, et sur ces faces où on lisait l'expression de la peur, j'ai dessiné un soleil, j'ai dessiné un flambeau, j'y ai cloué la haine des puissants, l'aberration de l'injustice. L'amour de notre terre, l'amour des miséreux, en l'OM. Et j'ai creusé la terre des jours et des nuits durant. Il a germé non pas du maïs, non pas du manioc, mon homme, mais des croix et des croix, parfois son nom au-dessus de corps, si souvent sans jambes qu'ils ont jeté dans nos champs en guise de semailles. Et les ventres des rapaces qu'ils ont appris à dompter ont laissé tomber sur nous des pluies de plomb, des pluies de feu pour faire pousser d'autres croix. Mais nous avancions toujours, car devant nous rugissait un lion en voyant sur nous le souffle de l'espoir. Il parlait un langage que nous comprenions tous, celui du peuple noir offert en holocauste. Il y aura des martyrs, disait-il, pour que l'Afrique se dresse et s'impose, pour que la terre de Tchaka soit libre. Solomon, Solomon, Solomon, mon frère, j'ai roulé dans la poussière où s'étaient posés tes pas, pour que ta voix reste à jamais gravée dans ma mémoire et sur celle de ma descendance. Solomon, ils t'ont pendu, croyant en une victoire, ils ont signé leur défaite. Car du fond des mines, du fond des prisons et des camps de concentration, du fond des champs, du fond des écoles, nous avons vu ton sourire, le soleil brillait. Long year.